Donc, je parle en français, dans le pardon, vous voyez que je comprends un petit peu l'allemand et l'italien, mais enfin, il m'est difficile d'exprimer vraiment toutes les nuances de ma réflexion dans l'une ou l'autre de ces langues. Et c'est un grand honneur pour moi d'avoir été invité à parler ici. Je crois que trop de mes compatriotes se jugent capables de fournir des modèles à toute l'Europe. Il arrive même qu'on le fasse à partir de l'exemple d'un simple village de la Saône-et-Loire, en inventant d'ailleurs trois quarts des éléments. Et je pense que ce fut comme cela dans toute l'Europe. Alors je crois que je n'aurais pas cette arrogance, et qu'au contraire, ce serait plutôt les historiens français qui mériteraient, dans une certaine mesure, de recevoir des suggestions et des critiques du reste de l'Europe et du reste de la communauté scientifique. J'ai rédigé, bien entendu, un résumé, c'est-à-dire un sommaire, au mois de juillet. Mais enfin, comme ce sujet de la seigneurie me tient beaucoup à cœur, comme je n'étais pas satisfait de ma première mouture, je l'ai refait plusieurs fois, de telle sorte que maintenant les idées et les points de vue sont les mêmes. Mais enfin, il ne ressemble pas tellement au résumé que vous avez sous les yeux. J'appelle donc le texte dont je vais vous parler « Point de vue sur la seigneurie ». Sur la seigneurie en France au XIe siècle. J'ai fait un texte très long, je vous en ferai seulement un résumé, et cela va d'ailleurs m'obliger à parler lentement, puisqu'il faut que je réfléchisse à ce que je ne vous dirai pas, et à ce dont nous pourrons éventuellement parler dans la discussion. Oui. À ce dont nous pourrons parler dans la discussion. Alors, je me sens évidemment très attiré par cette réflexion sur les concepts, cette Begriffsbildung, dont nous avons entendu un bel exemple ce matin, et j'espère que ma contribution s'enchaîne un petit peu sur celle du professeur Schreiner. Je fais peut-être de la réflexion sur les concepts cum grano salis, car il me semble que les concepts historiques, bien entendu, ont une valeur objective, mais qu'en même temps, ils sont un petit peu ceux que nous avons besoin de les faire pour nos intrigues. Paul Veil a écrit dans « Comment on écrit l'histoire », ce que c'est pour lui qu'un concept historique, c'est ça pour moi aussi. Alors, ce texte sur la seigneurie en France au XIe siècle, d'autre part, je le conçois un petit peu en liaison avec deux autres. L'un consacré au Serval, qui est déjà apparu, l'autre à la chevalerie. Il a été écrit il y a un an, il va paraître bientôt dans la revue historique. En effet, ces trois réflexions essayent d'aborder l'histoire de la société du XIe siècle, autant que possible dans une perspective inspirée de l'anthropologie. C'est mon maître Georges Duby qui sollicite ses élèves dans ce sens, et en même temps des efforts de réflexion qui n'adoptent pas la chronologie, disons, dominante dans ces dernières 25 années en France. En effet, pour moi, il n'y a pas de révolution de l'an 1000. Je pense qu'on peut, pour l'histoire sociale, revenir à une chronologie de ce que j'appelle la vieille école, c'est-à-dire que l'on observe, à la fin du XIe siècle, une série de mutations, et que ces mutations, loin d'exprimer un paroxysme de seigneurialisation ou l'arrivée à une société médiévale classique, ces mutations, au contraire, expriment la transformation d'un ordre de choses déjà en place auparavant, et si j'ose dire, c'est une société moins médiévale que celle qui la précédait, qui est en train de prendre forme. Donc pour moi, à la fin du XIe siècle, la chevalerie devient moins chevaleresque, le servage devient moins servile et la seigneurie devient moins seigneuriale. C'est un petit peu une formule rhétorique, mais je veux tout de suite annoncer dans quelle direction nous allons, en tout cas quel est le cadre qui me détermine initialement. Cela étant donc, ce qui importe, c'est le concept de seigneurie, et bien entendu, ce concept me semble avoir été forgé par les historiens. Il est forgé légitimement, à juste titre, mais il est tout de même forgé, c'est-à-dire qu'il est discutable et qu'il doit être pris pour nous comme un moyen d'investigation et d'éclaircissement. Le Moyen-Âge est en effet dominium, ou bien jus, ou bien possession, toutes sortes de choses. On dit bien dominium mundi, or, tout de même, à moins de tout confondre, on n'oubliera pas que l'Empire n'est qu'une seigneurie. On dit aussi le dominium d'un père sur ses enfants ou d'un mari sur sa femme. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est plus commode de régir le monde ou de régir sa famille et sa femme, mais enfin, en tout cas, je crois qu'il ne faut pas appeler ça seigneurie. Donc, le mot de dominium est évidemment une sorte de nom commun, et c'est nous, les historiens, qui devons lui donner une acception précise et une acception utile. Donc, depuis le début du XIXe siècle, en France depuis 1827, on a choisi de décrire un mode de domination typiquement médiéval et qui se distingue à la fois de l'Antiquité et de l'État moderne, en ce sens que, en lui, il y a à la fois de la propriété et de la souveraineté, mais qu'il n'y a aucune des deux à l'état pur et qu'elles tendent à se confondre. Ce sur quoi presque tous les historiens sont d'accord, ceux du XIXe siècle et ceux d'aujourd'hui, c'est pour dire que le régime seigneurial est en place en France au XIe siècle et que c'est même peut-être son moment le plus caractéristique. Cependant, il y a ceux qui pensent qu'une longue seigneurialisation, une Herrschaftsführung, s'est déroulée auparavant, pendant plusieurs siècles, et que vers 1100, c'est le commencement de la fin. Et puis il y a ceux, au contraire, qui pensent que d'un seul coup, on passe d'un ordre antique à un ordre ou un désordre seigneurial. Bien, je me demanderai, c'est la même question, je crois que celle de Klaus Freiner sur la Grundherrschaft, si ce mot est utile ou non pour nous, pour comprendre la France du XIe siècle, et à quelles conditions il peut être utile, car je le conserverai tout de même, il n'y a rien de si hardi dans les quelques propositions que j'avance. Alors le texte à propos duquel je vous parle se divise en deux grands points. Il y a d'abord un essai d'historiographie, ce que j'ai entendu ce matin m'incitera tout de même à insister un peu là-dessus, à titre de parallèle, de comparaison. Et puis ensuite, il y a ce que j'appelle de nouvelles approches, des approches renouvelées. Bon, là, on sera à la fin de mon temps de parole et je vais sans doute un peu plus rapidement. Alors, le premier point dans l'essai d'historiographie, c'est de parler de ce que j'appelle le paradigme de 1827 et sa pérennité. Je ne sais pas comment je dis paradigme en allemand, en italien paradigme. Très bien. Au XVIIIe siècle, chaque auteur appelé à parler d'un point d'histoire médiévale, refaisait le Moyen-Âge de A à Z. Il y avait des gens qui croyaient que le haut Moyen-Âge était romain, donc qu'il était franc. Il fallait à chaque fois tout refaire. En revanche, à partir de 1827, en France, les historiens étudiant la période médiévale sont dispensés de redonner les éléments fondamentaux de leur discipline, mais en même temps sont tenus de respecter les données de base sur lesquelles, en principe, tout le monde est d'accord. C'est ce que l'épistémologie appelle un paradigme. Cela permet l'approfondissement des recherches, mais en même temps, cela les oriente, cela les pré-oriente. Un paradigme a une vie plus ou moins longue. Au bout d'un certain temps, il y a trop d'observations discordantes, il ne tient plus très bien. Mais il arrive que des observations discordantes surgissent sans ébranler le paradigme, parce que la communauté scientifique ne les voit pas trop, et parce qu'elle est assez invitée par la routine pour ne pas les apercevoir. Ce qui se passe en ce moment avec la mutation de l'hormone, qui, si elle n'était pas dans un paradigme, serait déjà écoulée. Mais enfin, à mon avis, mais enfin donc, revenons au paradigme de 1827, à ce que j'appelle la vieille école, die alte Schule, l'alte Schule. En France, en France, en 1827, Augustin Thierry et François Guizot fondent l'Histoire de France, tout simplement avec les lettres et essais respectivement sur l'Histoire de France. L'un déclare, eh bien, l'histoire des Francs, ce n'était pas la même chose que l'histoire de France. L'histoire de France commence au Xe siècle, avec l'avènement d'une race royale indigène. Bon, ça, c'est la vision d'Augustin Thierry, et parce qu'il est sûr à ce moment-là que tout le monde parle français, à peu près dans les parties centrales de la France actuelle. François Guizot, grand historien avant d'être ministre de Louis-Philippe, je crois, approfondit cette vision. Et pour lui, le Xe siècle, le Xe et le XIe, sont marqués par l'apparition d'un régime caractéristique qu'il appelle le régime féodal, dans un sens assez voisin de régime seigneurial. Comme tous les grands savants, Guizot et ses contemporains effectuent, il faut le souligner, une rupture avec le sens commun antérieur. Alors que le XVIIIe et la Révolution française appelaient féodalité indifféremment toutes sortes de relations et de rapports de pouvoir, on distingue quand même les relations avec les vassaux de celles avec les serfs, les sujets. On commence donc à distinguer seigneurie et féodalité, sans aller toutefois jusqu'au bout de cette distinction qui demeure toujours lancée dans la vieille école, jusque chez Marc Bloch, qui s'y apparente sans aucun. D'un autre côté, Guizot montre bien, contrairement encore à l'opinion commune, que l'ancien régime qui fut aboli par la Révolution n'était pas en place au XIe siècle, et qu'il convient donc de distinguer entre le régime féodal du Moyen-Âge et le régime de la monarchie, le despotisme monarchique, tel que la Révolution française prétend l'avoir aboli. Guizot pense que la chute de Rome a eu lieu, et ça même qu'elle a été complète, et qu'elle a été suivie de 3 ou 4 siècles de chaos, de désorganisation sociale. Au 8e siècle, dit-il, le système aristocratique est déjà en train de s'installer, l'oppression du faible par le fort est là, mais elle est déréglée, elle n'a aucune espèce de norme. Charlemagne, pour lui, plane au-dessus d'une société qu'il ne maîtrise à aucun moment. Et c'est simplement au Xe siècle que, littéralement, la France, la société française, le médiéval, commence à ressembler à quelque chose. La féodalité, le régime seigneurial, a une forme, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc, cette forme, évidemment, la vieille école, en fait vraiment le contraire de l'État, le contraire de la modernité. C'est un pouvoir proche, c'est un pouvoir coutumier, c'est un pouvoir sans frein. C'est un pouvoir, comme diraient nos amis anglo-saxons, de face à face, face-to-face society. Un pouvoir convivial, qui vise la familiarité à cette époque. Mais cette oppression, donc ce régime est un régime d'oppression, mais au moins il a ses règles. Et là, alors, tout à la fois sous l'influence de la rhétorique qu'on enseignait dans les études et sous l'influence de la pensée allemande, Guizot fait un sic et non à propos du régime féodal et une véritable dualité. D'une part, en considérant ces souverains, cette multitude de souverains proches, dont la France est couverte, il dit bien sûr ce pouvoir proche est très oppressant. Et cependant, on est tout près du Seigneur, il ne se prend pas pour un Dieu. On vit dans une sorte de familiarité avec lui. Et qu'ils ont fini par se demander si au fond, dans ce face-to-face du XIe siècle, eh bien, il n'y a pas une certaine modération absente du despotisme monarchique. Absence de la monarchie absolue, de ce que Charles X essaye de restaurer en France à ce moment-là. Bien. Évidemment, c'est pour nous une source de réflexion. Un manuel d'histoire du droit en France, publié en 85, dit encore, je cite la phrase, l'autorité souveraine, lorsqu'elle est proche, est plus tyrannique que jamais. Oui, mais peut-il y avoir de souveraineté proche ? N'est-ce pas une contradiction dans le terme ? On pense que les seigneurs n'ont pas de limite à leur pouvoir parce qu'il n'y a pas d'État central pour les limiter, mais est-ce que l'État central ne servirait pas aussi à les épauler, à leur donner de la force face à leurs sujets, une force qu'ils n'auraient pas sans lui ? 1827, on ne sait pas encore de quel côté le sic et non va basculer. Deuxièmement, Guizot pense, ça aussi c'est passionnant, que le régime féodal, dès qu'il est en place, tente à se transformer en son contraire. Ça, c'est du Hegel tout pur, il a commencé à être lu en France en 1821, 6 ans plus tard, ça part sur cette idée. Dès que la seigneurie est en place, une dialectique commence, le seigneur revendique contre ses hommes, mais il leur apprend ainsi à revendiquer contre lui. Le seigneur, d'autre part, demande l'aide militaire de ses sujets, donc il entre avec eux, en quelque sorte, en pourparlers. Et à peine en place, ce régime change. L'histoire se met en route. Après Guizot, la vieille école a une véritable vulgate et toute une série de propositions courent dans le 19e siècle français, et même pratiquement jusque vers 1950. La seigneurie est une forme de domination qui se relie au cloisonnement économique. Un monde cloisonné, pouvoir autarcique. La seigneurie est un pouvoir évidemment de type coutumier dans lequel on décèle l'influence de la force. Plus de force que de droit, mais tout de même un petit peu de droit quand même. Le droit savant n'a pas autorité, effectivement, dans ces époques de régression culturelle. Je crois que vraiment, par avance, les propos actuels de la tendance libéro-romaniste sont parfaitement et sévèrement réfutés par tous les auteurs de la vieille école. Pour la vieille école, la seigneurie est quelque chose de fondamentalement combinatoire et confusionnel. Confusion de propriété et de souveraineté, confusion des biens réels et personnels, confusion des droits publics et privés, confusion des classes dans la seigneurie. Die ursprüngliche Einheit, comme disait M. Schreiner ce matin. Par conséquent, une typologie trop nette serait anachronique. Et là, quelques auteurs subtils, Henri C. en 1901, déclare, il ne faut pas distinguer rigoureusement la propriété de la souveraineté, donc la seigneurie française, la seigneurie banale au XIe siècle, ce serait commettre un anachronisme et rejeter des conceptions du XIIIe siècle sur le XIe siècle. Pour la vieille école, la seigneurialisation est longue. On apprend tout de même assez vite à ne pas voir au 7e, 8e et 9e siècle un pur chaos, mais à considérer la monarchie franque et la manière dont s'établissent ses relations avec les seigneurs. Fustel de Coulanges le fait en particulier très bien. Numa Denis Fustel de Coulanges, cela fait des choses écrites vers 1875. Donc, la chronologie est la suivante, une longue seigneurialisation qui commence au moins au 7e siècle et qui dure jusque vers le 10e, un apogée, une période classique au 10e et au 11e siècle, et ensuite, 12e et 13e siècle, la seigneurie s'altère parce que l'économie s'ouvre et parce que des juristes repensent la typologie des seigneuries et la conception même des pouvoirs seigneurs. Enfin, pour la vieille école, la seigneurie, dans la seigneurie, il y a à la fois une institution et un rapport social. La seigneurie et le servage, c'est tout un. C'est c'est-à-dire que la chronologie est la même et le servage comporte la même ambivalence, se prête à la même dialectique que le régime seigneurial lui-même. Mon deuxième point dans cette première partie consiste à montrer maintenant comment le paradigme, une fois posé, est à la fois respecté et menacé par les efforts d'approfondissement de l'analyse. En effet, à partir de 1860, à un moment où on s'intéresse à la Wirtschaftsgeschichte, à la Verfassungsgeschichte, on discute tout de même de plus en plus sur le fonctionnement économique, sur les institutions, donc on est obligé de décrire précisément les seigneuries. Alors on sait d'abord qu'il y a de grandes seigneuries et de petites seigneuries. Les grandes sont des baronnies, on ne précise pas trop chronologiquement, dont les seigneurs sont les seigneurs féodaux, des titulaires de seigneuries plus petites. Et l'on ajoute volontiers que dans son domaine, la baronnie a plus de prérogatives que les seigneuries vassales. Bien, voilà en gros la manière dont la vieille école voit les choses, mais elle ne fait pas de typologie véritablement poussée sur les principes en cours. Là où les choses commencent d'avancer, c'est à partir de 1886, et il me semble que l'Allemagne évolue exactement dans la même chronologie. Les chercheurs français et allemands sont aux aguets les uns des autres à cette époque. Ça franchit très vite le Rhin, les Vosges à cette époque, la discussion sur les droits seigneuriaux oppose donc les domanialistes aux publicistes. Les domanialistes, dont le représentant le plus caractéristique, Henri C, qui écrit en 1901, dit que le pouvoir de vent, est né de la nécessité de faire respecter la discipline sur le domaine. Le vent est une discipline domaniale. Et puis de l'autre côté, les publicistes, comme Jacques Flach, auteur des Origines de l'ancienne France, les volumes importants sont le premier de 1886 et le troisième de 1904, pensent au contraire que les droits seigneuriaux viennent de l'appropriation de droits publics, de pouvoirs de commandement, donc du type régalien. Henri C va l'emporter pour un demi-siècle. D'abord parce que sa vision des choses, centrée sur le domaine, est peut-être plus au cœur du paradigme de l'époque. C'est lui d'ailleurs qui critique très justement l'application anachronique des concepts de souveraineté et de propriété à l'histoire du XIe siècle. Je pense que, d'ailleurs, nous en reparlerons, que les vues de C sont sans doute partiellement vrai. Il y a bien un banc d'origine domaniale dans la France du XIe siècle. Cela ne peut guère être éludé, cela ne peut guère être nié. Mais le cas de Jacques Flach est intéressant. Il est d'autant plus intéressant que Georges Duby, vous allez comprendre pourquoi, considère que de tous les auteurs de la vieille école, c'est le plus intéressant. Et il l'a lu lui-même, il s'est inspiré de lui. Et donc, Flash mérite un instant d'attention. Pour Flash, les droits publics sont à l'origine des droits bannis. Soit que ce soit des agents des comptes, donc des agents d'autorité publique qui les aient privatisés, soit que, autour d'un noyau domanial, des propriétaires riches se soient appropriés, finalement, les droits de la puissance publique. Bien, ça fait deux versions d'ailleurs conciliables. Un auteur fort intéressant, Auguste Dumas, qui écrit en 1926, les concilie en livre. Mais attention, la position de Flach n'a aucun rapport avec celle des hyper-romanistes actuels. Flach déclare que les droits publics ont peut-être toujours le même nom, mais que la substance a complètement changé. La tradition, dit-il, a fourni le moule, c'est la force qui a été coulée. Donc, Flach pense qu'il y a eu un véritable dérapage. Et bien que les droits seigneuriaux soient d'origine publique, la seigneurie demeure une sorte d'antithèse de l'État. La seigneurie, évidemment, il l'a décrit comme centrée autour d'un château, et il y a une phrase, je ne vais pas m'étendre trop, mais qui préfigure bien les descriptions de la seigneurie châtelaine par André Déléage ou Georges Duby, beaucoup plus récemment. Donc, le château avec les chevaliers permettant au seigneur de soumettre à l'impôt tout un district voisin. Mais la description de Flash compare la domination châtelaine, la seigneurie châtelaine, à un domaine. Le château, dit-il, est comme le chef-manche d'une exploitation politique. Et Duville a repris cette description dans l'histoire de la vie privée, parue en 1985, vous savez, dans l'introduction, un développement tiré directement de cela. Pour Flash, une seigneurie ne peut pas être territoriale. Il n'y a pas de territorialité de la seigneurie, en tout cas, bien entendu, sous sa forme de triomphe. Une seigneurie n'est jamais qu'un pouvoir sur un groupement humain qui se déploiera, qui vivra dans un territoire donné. On le localisera, on le considérera selon les divisions classiques, en Pagou, en Pagui. On parlera même d'un territorium castri, mais cela ne suffit pas à conférer à la domination châtelaine un aspect territorial, parce qu'il ne s'agit pas d'un territoire homogène, mais parce qu'il n'y a pas du tout cette notion de frontière et de pouvoir véritablement concrétiser qui apparaît plus tard. Donc, vous voyez que Flash est évidemment un auteur dont on peut comprendre que l'inspiration soit utile. Pourquoi je dis que si nous voulons essayer de d'éclaircir un peu la société médiévale en empruntant quelques idées aux anthropologues, bien les auteurs de la vieille école, comme Guizot ou Flash, sont assez suggestifs. Et on peut même considérer, malheureusement, que certains auteurs récents sont beaucoup moins suggestifs. Enfin, les historiens récents ont tout de même fait des progrès. Et la distinction du domaine et de la seigneurie, disons, de commandement, a tout de même été creusée et a été précisée. Alors nous arrivons à Charlet de Montperrin, que Werner Rosener connaît bien, qui effectivement, dans sa thèse de 1935, sur la Lorraine, aux confins du royaume de France du XIe siècle, il décrit d'abord le domaine du IXe siècle avec son noyau foncier et puis sa potestas, dans laquelle il y a un pouvoir de ban. Mais ce pouvoir de ban s'exerce dans le cadre de l'immunité et par conséquent il est réglementé, il est modéré, il reste sous un certain contrôle de l'autorité publique. Le professeur de Dante est cité hier, effectivement, un marquis italien qui contrôlait aussi les immunités d'une certaine façon. C'est la Lorraine de Charles de Montpellier avant la fin du Xe siècle. Ensuite, en revanche, il y aurait un dérapage, et là, Rosener connaît ces problèmes de mieux que moi, c'est Auflösung dont il a parlé hier. Perrin la conçoit comme un dérapage. On passe d'un système centré sur les services à un système centré sur les réquisitions, et une exploitation seigneuriale sans frein, sans limite. Voilà. Dans le grand mythe du pouvoir illimité des seigneurs, eh bien, une exploitation sans frein se met en place. Plus intéressant encore, 1941, André Déliage, disciple de Marc Bloch, auteur d'une thèse qui s'appelle « La vie économique et sociale en Bourgogne, dans le Haut Moyen-Âge ». C'est un livre excellent. Il décrit toujours l'ambivalence de la coutume. Il décrit le rôle des ministériaux. Et surtout, il accomplit déjà la découverte de la seigneurie territoriale de l'an 1000. Là, Georges Duby ne s'en cache pas, il a directement enchaîné dans sa thèse sur le Mâconnais, sur les vues de Déléage. Seulement, Déléage conçoit, comme toute la vieille école, une seigneurialisation longue. Et simplement, à partir de l'an 1000, il observe dans les documents de l'abbaye de Cluny la superposition d'une domination qui dit de type territorial. Il donne comme exemple le sauvement du seigneur Audin de Bercé à ce qui reste du domaine carnomagique. Duby hérite de cela. Ça ne veut pas dire que Duby n'apporte pas un certain nombre de choses. Et il me semble, à le relire, donc en le situant dans la tradition historiographique qui est la sienne, qu'un apport fondamental de Georges Duby Et nous en vivons tous, hein, les travaux, nos travaux sont fondés très largement sur cette idée. L'histoire de la seigneurie se fait beaucoup en fonction des seigneurs. Si l'on veut comprendre l'évolution de la Grundherrschaft, il faut connaître les Grundherren. L'histoire de la seigneurie pour Duby n'est pas seulement liée à la confrontation des seigneurs avec les paysans, mais aussi aux tensions et aux dynamismes internes à la classe seigneuriale. Structure de parenté, réseau, différence entre les différentes strates de la noblesse. Nous sommes tous les héritiers de Duby lorsque nous écrivons, comme Guido Castelnuovo, comme beaucoup, je vous vois ici, hein, sur les seigneurs, les seigneuries, les vignages. Nous avons pris cette perspective ouverte par Duby en 1950. Bien, Duby transpose l'idée du dérapage des droits publics, donc, dans le passage du pouvoir régalien du niveau des comptes à celui des seigneurs châtelains. Lui, il a appropriation des droits publics et dérapage. Il est très proche de la thèse publiciste de Flach. Seulement pour lui, la seigneurie châtelaine n'a pas beaucoup d'éléments fonciers et la seigneurie foncière n'a pas beaucoup d'éléments banaux. Et je pense qu'il accepterait très bien que l'on révise un peu sa vision dans ce sens. D'autre part, Jean Duby a décalé la véritable seigneurialisation. Vous le savez aussi, il en a fait quelque chose de brutal, quelque chose qui se fait au prix d'une crise de quelques années, entre 980 et 1030. Et donc, il y avait bien entendu jusqu'ici de la seigneurie foncière, mais tout de même, l'apparition de la seigneurie châtelaine provoque un changement social important. Duby a donc choisi, en 1953, de prendre à la lettre tout ce que les chartes et les notices du Xe siècle suggèrent sur la vie des institutions publiques. Alors que Déléage déclarait que la langue des chartes était factice et pensait déjà que la société du Xe siècle était essentiellement marquée par l'opposition entre des nobles et des serfs et par toute une gradation de cette opposition. Je crois que le Xe siècle de Jean Duby est peu convaincant et que cela ne fasse pas croire que je ne sais pas radicalement de lui, car si je le crois, c'est parce que, en suivant ses cours, en suivant ses publications depuis 1970, je me suis convaincu qu'en effet, il y avait tendance à se reprendre là-dessus. À plusieurs reprises, il a déclaré que il fallait mieux parler de révélation des choses que de révolution vers l'ennui. Et moi, je suis naturellement, alors je vous permets de préciser les choses ainsi, le disciple du deuxième Duby, de celui qui est un petit peu revenu sur son point de vue concernant le Xe siècle. Là aussi, où son regard est très neuf, c'est dans la forte séparation typologique qu'il fait entre les seigneuries. Il y a la seigneurie foncière, la seigneurie banale, la seigneurie personnelle. Mais enfin, je vais faire un petit peu, je vais jouer le rôle de talmudiste en face de l'œuvre de Duby. Si on y regarde de près, on voit que cette typologie, il l'a toujours relativisée. Il déclare par exemple en 1962 que ce n'est qu'un expédient. Au moment où il faut essayer de faire de l'analyse économique et de comparer les profits rapportés par les seigneurs au titre du ban, au titre de la dépendance servile ou au titre de la seigneurie foncière. Mais à partir du moment où la thèse de Duby s'impose, l'ancien paradigme est dépassé. Parce que d'une part, la chronologie n'est plus la même, parce que d'autre part, l'idée de la seigneurie comme pouvoir proche, comme pouvoir sans médiation. Autarcique et dépassé. Parce que tu lui montres qu'il y a des réseaux de seigneurs, que les seigneurs ne sont pas des chefs individuels. Parce que Duby, après Déléage, montre toute l'importance des ministériaux. Et parce qu'après tout, si l'on peut décomposer la seigneurie en divers types, alors il n'y a plus Bürgerkönigsheit, on n'est plus dans le contraire de l'État, il y a quand même un peu de souveraineté, il y a quand même un peu de propriété. Et la seigneurie comme confusion absolue ne sera donc qu'un mythe historiographique. Je pense qu'on ne pourra pas revenir là-dessus de toute façon. Alors, évidemment, je suis un petit peu long, j'ai un troisième point dans cette première partie qui est d'examiner, je vais être bref, le traitement du concept de seigneurie par les tenants de la révolution féodale de l'an 1000, des tenants radicaux comme Pierre de Massy et un tenant beaucoup plus modéré comme André de Bort, 1984. Dans le livre de Pierre de Massy sur la Catalogne, il y a beaucoup de découverte de mérites importants. Le premier, je crois, c'est que cet homme a su tout de même restituer à la société du XIe siècle toute sa rudesse. Et cela vaut tout de même la peine d'être souligné. Je crois d'autre part que les transformations du XIe siècle sont liées d'une manière tout à fait convaincante par Pierre de Massy à une croissance économique. Seulement, attention, jusqu'ici, la seigneurie, même chez lui, était toujours décrite comme la forme de domination appropriée à une époque de cloisonnement économique. Tandis que maintenant, l'effort de seigneurialisation est fait pour capter les produits d'une croissance. Donc le rapport fait entre la seigneurie et l'économie est très différent. Ça va me permettre à la fin finalement de me réconcilier de très près avec Bonassi sur ce point. Ce qui suscite peut-être plus de perplexité, c'est tout de même la radicalité de son propos. Au Xe siècle, il ne trouve en Catalogne aucune espèce de seigneurie. Il n'y a que de la rente de caractère public. Survient ensuite une diversification de la documentation. Il dit dans son introduction, la documentation se diversifie vers 990, elle fait peut-être voir des choses que l'on ne voyait pas auparavant. C'est pas neuf. Mais après, cette analyse de la documentation est un peu oubliée. Et finalement, il décrit plutôt une véritable révolution qui se produit entre 1040 et 1060. Il y a création simultanée de la seigneurie banale, de la seigneurie foncière et de la féodalité. Et ceci donc dans un contexte de sortie de l'économie du haut Moyen-Âge. On est évidemment dans un système, vraiment, c'est faire quête par rapport aux conceptions de la vie. Bien entendu, tout est loin d'être faux dans ce schéma, à mon avis. Simplement, ce qui m'inquiète, je crois que Christine Kahn partagera mon inquiétude, c'est qu'à partir du moment où l'on parle d'un ordre public, de droit public jusqu'en l'an 1000, à partir du moment où l'on a sous la plume que les mots de rente, de prélèvement et de fiscalité, eh bien, au risque de tomber dans cette énorme erreur de jugement qui consiste à croire que finalement, il n'y a, pendant tout le haut Moyen-Âge, alors le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire la Frühmittelalter, il n'y a dans le haut Moyen-Âge que une fiscalité, une administration, organisée d'après le code théodosien. Après tout, la position des tenants de la révolution de l'an 1000 fait le lit de cette énorme erreur de jugement. D'autant que Elisabeth Immanuel-Nortier n'a certainement pas tort de souligner, l'a fait récemment dans l'art historique, que l'hypothèse du dérapage à un certain moment du XIe siècle, n'est pas très étayé. Il n'y a pas beaucoup de démonstrations d'un véritable dérapage. Alors, dans ces conditions, l'Empire romain peut continuer jusqu'aux humanistes français et italiens de la Renaissance, qui sont responsables de tous les malheurs de l'Europe, comme chacun sait, j'ai entendu ça récemment. Une position plus modérée, c'est celle d'André de Bort dans les pays de la Charente. C'est une thèse de 1984 qui mérite, je crois, beaucoup d'attention. Pour lui, je dirais qu'en 1050, il y a plutôt une mutation au sens strict, c'est-à-dire une transformation qu'une révolution, qu'un bouleversement. Il y avait auparavant de la seigneurie foncière et les patronages comme depuis l'Antiquité, et cela constituait un terrain favorable au développement de la seigneurie. Vers 1050, les choses changent, on voit proliférer, se multiplier les consuétudines, les taxes alors imposées par la France, dans tous les types de seigneuries, qui sont souvent des cellules assez petites, car on découvre de plus en plus de fortifications secondaires, et par conséquent, finalement, les cellules seigneuriales sont de petites dimensions. Comme chez Bonassi, enfin, cette transformation de 1050 est rapportée à la croissance économique et bien entendu, on comprend que dans les zones de défrichement, dans les zones de nobles et jaunes, eh bien, il fallait construire des châteaux. Puisqu'on défriche dans des régions forestières, il faut bien établir la seigneurie si l'on veut que la chevalerie continue comme auparavant à dominer la société. André Debord évite d'ailleurs très pertinemment le mot même de seigneurie. Il dit le bon châtelain, il dit l'exploitation par le pouvoir d'homme. Donc vous voyez, il est finalement très prudent. On n'a pas besoin de démanteler sa rhétorique comme chez d'autres auteurs, presque tout y est. Je dis presque tout parce qu'il y a une chose qui ne me convient pas tout à fait, c'est quand même l'idée. Qu'avant 1050, il y avait moins d'exploitations qu'après, et l'idée aussi que la multiplication des coutumes représente le règne de la force. Je crois que vraiment, on ne devrait pas admettre que la coutume soit autre chose que du droit. Certes, il y a des rapports de force dans les mondes coutumiers, mais après tout, il y a des rapports de force aussi dans les sociétés dominées par le droit savant. Et là, je pense que sur ce point, il y a évidemment quelque chose à dire. J'en viens au quatrième point de mon historiographie, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il faut, à mon avis, critiquer le point de vue des tenants de la révolution féodale de l'armée, tout en conservant d'eux quelque chose. Le rapport positif existe. On ne nous parle plus du pouvoir immédiat. Il y a des précisions données sur le cadre. La relation avec la croissance économique me paraît juste, à condition de retirer le concept de seigneurialisation et de ne plus concevoir exactement les choses comme. Mais mes critiques, je ne suis pas le seul d'ailleurs à le proférer, sont de trois ordres. D'abord, la thèse de la révolution, de la seigneurialisation en somme, brusque et radicale, oublie que les consuétudines ou la dénonciation des abus de pouvoir ne sont pas du tout un fait sans précédent. Il y avait au temps de Charles le Chauve des capitulaires alarmistes qui dénonçaient l'oppression des pauvres et des pauvres par les puissants. Et un auteur comme Auguste Dumas, en 1926, décrivait le dérapage du pouvoir dans la seigneurialisation, exactement dans les mêmes termes que Georges Duby, mais simplement pour les années 860-880 et pour les comtes. Je vous rappelle que ces années 860 sont marquées par la première grande campagne de fortification et que les châteaux se multiplient. On nous dit qu'en l'an 1000, les mottes ont été l'arme d'une révolution. Mais je dirais que les mottes, c'est un petit peu à la seigneurie, ce que l'électricité est à la révolution industrielle, c'est-à-dire que, bien entendu, c'est parce qu'il y a un ordre seigneurial que l'on construit des mottes, c'est parce qu'il y a une société en cours d'industrialisation que l'on invente et que l'on développe l'électricité, mais le progrès technique et les objectifs qui lui sont fixés sont socialement induits et sont antérieurs. Et donc, vraiment, les mottes sont à la seigneurie, ce que l'électricité est à la révolution industrielle. C'est une bonne expression, mais ce n'est pas le début. Là, je pense que c'est ce qui se passe. Donc, les comtes, les petits comtes, les vassaux de Minici à la fin du IXe siècle ont très bien pu avoir un type de domination déjà très franche de ce qui est écrit pour la seigneurie châtelaine. D'autre part, on n'a quand même pas de raison de suivre aveuglément le point de vue des moines de l'an 1000 ou le point de vue des rédacteurs de capitulaires et de penser que le pouvoir des comtes ou que le pouvoir des sires sont une mauvaise chose. Dans l'un et l'autre cas, la source qui nous renseigne est une source polémique, une source marquée par une culture d'État. Notre travail d'historien consiste à relativiser nos sources. nous ne sommes pas obligés de penser que la culture, c'est mal. Et heureusement, lorsqu'il y a eu la, lorsqu'il y a eu la colonisation de l'Afrique, les coloniaux ont d'abord pensé que la culture, c'était le désordre. Mais très vite, ils se sont avisés que non. Et nous avons d'excellents ouvrages d'anthropologie juridique nés de l'expérience coloniale et du renversement du regard des colonisateurs qui nous donnent, je crois, de très bonnes explications sur ce que peut être un monde coutumier. Est-ce que le règne de la coutume est le règne de la force? Non. La violence est auto-limitée dans les sociétés coutumières. Nous devons vraiment abandonner cette manière de faire du monde seigneurial l'inverse, l'envers diabolique de la domination étatique. Deuxième remarque, concrètement, nous voyons dès la fin du IXe siècle que la société est dominée par les chevaliers. En effet, ne crains pas de dire que la noblesse et la chevalerie ont toujours été liées ensemble, en tout cas les mêmes hommes étaient nobles et chevaliers, et que ce phénomène s'observe dès le 9e siècle. Il est favorisé par une idéologie, qui est celle des trois ordres, dont la première expression complète se rencontre dans les années 875 en France avec Éric d'Auxerre et avec le miracle de Saint-Bertrand. La société est bipolaire. Son pôle positif est la noblesse et son pôle négatif est le servage, mais entre les deux, il y a toute une série de gradations, toute une série de rapports personnels, de formes personnelles, qui servent à graduer la société. On est donc plus ou moins noble, plus ou moins serf, cela a été souvent répété, encore d'une excellente manière par Jane Martindale en 1977, vraiment dans un article sur la noblesse médiévale et du 9e et du 10e siècle. Troisièmement, je crains, comme Klaus Schreiner aussi le suggérait ce matin, que notre concept de la seigneurie, ce soit parfois un peu, enfin, notre concept, leur concept de la seigneurie, ce soit quand même un peu appauvri. On garde de l'idée de la vieille école trop souvent ce qu'elle avait de négatif, c'est-à-dire l'idée d'un dérapage qualitatif, la privatisation, l'arbitraire, la généralisation de la dépendance. Et en revanche, on retire d'elle tout ce qu'elle avait d'intéressant, c'est-à-dire essayer de faire comprendre qu'il n'y avait de seigneurie que sur des groupements sociaux, que la seigneurie était toujours un lien social. Et on parle de rente, on parle de prélèvement, on parle de dépendance, sans explorer véritablement ce que contiennent ces concepts. Je ne sais pas ce que c'est que la rente, je ne sais pas ce que c'est que la dépendance, lorsque je lis ces thèses qui plaident la révolution de l'ennui. Et on a envie de dire, n'est-ce pas, Merlich, un petit peu plus de lumière, éclaircissons comment étaient les choses. Bon, j'ai terminé cette première partie, je vais donc vraiment donner un résumé en 10 minutes des positions qui suivent. Donc, je pense que ce seraient donc des nouvelles approches et des approches renouvelées. Et il y a quatre points. Premier point, l'autorité châtelaine dans une région donnée en France au XIe siècle n'est pas une souveraineté. Bien entendu, il y a une certaine allodialité d'être repéré, mais l'allodialité n'est jamais que relative au Moyen-Âge. Et par conséquent, c'est une allodialité bien tempérée que celle des seigneuries châtelaines. Les sires fréquentent encore de temps en temps les comtes en France au XIe siècle. Il n'y a pas d'indépendance théologique. Si j'annexe encore la Catalogne à la France du XIe siècle, c'est bien parce que jusqu'en 1180, on bat les actes du règne des rois français. D'autre part, les seigneuries châtelaines sont entre elles interdépendantes. Il y a des réseaux. On est sire de plusieurs châteaux, on est chevalier dans plusieurs châteaux. Troisièmement, les seigneuries châtelaines me paraissent être, à ce moment-là, beaucoup moins l'affaire des sires, des lignages de sires individuellement, que l'affaire, en quelque sorte, collective de tout un groupe chevalier. Il me semble qu'on peut emprunter l'anthropologie d'un concept très intéressant qu'elle a, qui est celui de seigneurité. L'anthropologie africaine parle de seigneurité lorsqu'une domination de forme personnelle s'effectue sans dévalorisation du dominé. Le modèle étant la relation entre l'aîné et le cadet dans une famille notable. Mais je pense que la relation entre les sires et les chevaliers de château peut être éclaircie par ce terme de seigneurité. Il y a seigneurité sur les chevaliers et seigneurie collective du groupe chevaleresque sur la société. La seigneurie châtelaine se présente comme une sorte de superposition. C'est un système articulé que celui des différentes seigneuries en France au XIe siècle. La chevalerie est réputée, et il y a une idéologie, il y a un certain usage des mots, un certain usage des tournures de phrases qui le suggèrent. La chevalerie domine parce qu'elle est réputée donner aux hommes l'usage des choses et leur donner la paix. Elle a bien ce double sens. Mais entre donner l'usage des choses et exercer la seigneurie foncière, il y a quand même une différence de terme entre maintenir la paix et exercer une justice répressive et un pouvoir territorial, il y a aussi une nuance. Enfin, le traité de Maastricht nous fournit un bon terme, à mon avis, pour comprendre comment les différentes seigneuries s'articulent en France au XIe siècle. Il y a subsidiarité. On vit sous le régime de la subsidiarité. Les contrôles, les pacifications, les droits d'usage que l'on peut garantir. Dans le cadre, le juge en campus, c'est Mme Fazoli, je crois, Gina Fazoli, qui parlait de seigneurial local, bon, de la seigneurie locale, eh bien, on fait dans le cadre de la seigneurie locale ce que l'on peut, par exemple, une justice plutôt basse, ou on l'appellera basse un petit peu plus tard, ou la justice pour les personnes très humbles de niveau, toujours une justice arbitraire. Et puis on fait dans un cadre un petit peu plus vaste les règlements de conflit ou les investissements pour les droits d'usage un petit peu plus importants. Mais c'est une subsidiarité de caractère social. C'est un ajustement entre groupes sociaux et en ce sens, tout de même, la châtellenie du XIe siècle n'est pas l'Europe du traité de Maastricht parce que nous, c'est une subsidiarité institutionnelle. Alors que là, je la vois plutôt comme un domaine sociologique. Dans ces conditions, entre les diverses seigneuries, il existe une certaine homologie. Bien entendu, la seigneurie foncière, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à la seigneurie foncière. À l'échelle de la villa, à l'échelle de l'alle, on trouve plus la notion de quensus, de sens, des droits d'usage concédés sur la terre par le seigneur. Bien entendu, en revanche, quand on monte, on a une seigneurie dont les attributions justicières et militaires sont plus fortes. Mais malgré tout, ce n'est qu'une question de proportion entre les unes et les autres, ce n'est pas une question de différence de nature. Bien, et donc, c'est pourquoi, vous voyez, dans ces conditions, la seigneurie châtelaine ne me paraît pas avoir pu soudainement déchirer le tissu social. Et en outre, la seigneurie n'est pas une souveraineté, parce que fondamentalement, elle n'est qu'une forme d'organisation sociale. C'est un système, je ne sais pas comment le dire, socio-politique. Ce n'est pas une souveraineté dans lequel l'État serait distinct de la société. Deuxième nouvelle approche, ou approche que renouveler, je pense que le concept de la notion de dépendance mérite une réinterprétation qu'il ne faut pas s'y tromper. La dépendance est quelque chose de varié, il y a toute une diversification, mais je dirais par des réglages de détails, entre les différentes formes de dépendance. Il y a un servage dilué, il y a un servage plus ritualisé, plus précis, il y a entre les différents servages ritualisés des nuances. D'autre part, la dépendance est ambivalente. Elle est toujours à la fois une charge et un droit pour celui qui l'a subi. Une charge et un privilège. De toute façon, on n'a pas d'autre mot, on n'a pas d'autre grammaire rituelle pour définir l'appartenance de quelqu'un à un groupement social et doté d'un chef ou de plusieurs chefs, on n'a pas d'autre grammaire que celle de la dépendance. La troisième approche, le renouveau. Est-ce qu'il y a violence et arbitraire dans ces seigneuries châtelaines du XIe siècle? Eh bien, dans son manuel d'anthropologie juridique de 1988, Norbert Roulant écrit bien « La croyance à la violence déchaînée dans les sociétés archaïques n'est qu'un préjugé, n'est qu'une projection rétrospective que les sociétés modernes font. Nous prétendons que sans l'État, il y a la violence, mais une violence déchaînée. Bien, ce n'est pas sûr. C'est d'autant moins sûr que l'anthropologie nous apprend que la violence peut être auto-régulée, auto-régulée dans les sociétés anciennes. Les sociétés africaines actuelles ne sont parfois si violentes, l'actualité nous le montre, que parce qu'elles ont été préalablement déstructurées par le choc colonial. Mais elles n'étaient probablement pas au même degré dans les époques antérieures, mais sûrement. Donc, le thème de la violence appelle des nuances. Bien entendu, je ne prétends pas la supprimer. La confrontation peut être dure. Elle est d'autant plus dure que la pure seigneurie de face à face, telle que la concevait la vieille école, n'existe précisément pas. Et qu'en réalité, entre les paysans et les seigneurs, il y a moins de familiarité que ne le croyait la vieille école. S'il y a tout de même de la violence dans le monde seigneurial, c'est parce qu'il est moins seigneurial que ne le croyait le 19e siècle. La coutume doit donc être restituée dans son ambivalence. Quant à la notion de l'arbitraire, c'est-à-dire toutes les taxes fixées au gré du seigneur, les taxes créées d'une manière nouvelle, d'une manière inédite par la seigneurie, eh bien, à mon avis, il faut bien voir que cela ne reflète pas du tout le despotisme du seigneur. Lorsqu'on dit que le paiement d'une redevance reste à l'arbitrage du seigneur, ad arbitrium, seigneurus domini, c'est que concrètement, une coutume, un rapport de force vont l'obliger à renoncer à la plus grande partie de sa redevance. La redevance pourra n'être à la limite que récognitive. Et par conséquent, la notion de si dominus vult, ad arbitrium seigneuris, in misericordiam seigneuris, me paraît pouvoir s'interpréter par le désir que le Seigneur sauve la face. Comme dit la sociologie d'intervention, il faut sauver la face. Mais le Seigneur du XIe siècle, celui que nous appelons même par commodité, n'est pas du tout dans une position de force suffisante pour faire tout ce qu'il veut. Et il ne se livre pas à une pure exploitation économique, car il me semble que beaucoup des redevances sur lesquelles il accepte d'en rabattre sur ses exigences, qu'il accepte de baisser, ces redevances ont un caractère récognitif. Le plus important, c'est que le principe même de la domination chevaleresque demeure en place. Et ensuite, qu'il y ait un profit économique, on le souhaite, mais ce n'est pas le seul objectif du système. Quatrième nouvelle approche, ou bien justement, donc comment faut-il penser les transformations de la fin du XIe siècle? Eh bien, en France du Midi, comme en France du Centre, c'est-à-dire là où il y a de la documentation, nous assistons à plusieurs évolutions significatives. Il y a des regroupements d'habitats, bon, de type une Castellamento dans le Languedoc, mais c'est vers 1100 la phase importante dans le Languedoc. Il y a la création de villages neufs, la restructuration de villages entiers dans les Pays de Loire, dans la France du Centre et du Nord. Et à cette occasion, les rapports seigneuriaux sont réaménagés, souvent. On conclut des conventions de co-seigneurie. Dans ces conventions, on fait appel de plus en plus à la représentation du seigneur par les ministériaux. On se fait de la seigneurie une conception abstraite. Hein, bien là, nous retrouvons le thème que Werner Rosenauer, je crois, à certaines nuances près, il faudrait voir. Nous retrouvons un peu le type d'évolution, me semble-t-il, que vous avez pu nous décrire hier. Après 1080, pour le coup, des taxes nouvelles apparaissent. On voit le marchand taxé plus fort, plus nettement, au prix d'une précision juridique des droits du seigneur. On voit apparaître la taxe qui n'apparaît au Mâconnais, par exemple, qu'en 1082, à d'autres endroits qu'aux abords de 1100. Et par conséquent, on voit véritablement de plus en plus la seigneurie développer une fiscalité. Autrement dit, tout se passe comme si les traits les plus seigneuriaux, selon le concept traditionnel de la seigneurie, étaient en train de s'atténuer. La preuve en est que la seigneurie peut devenir territoriale à ce moment-là, ce qui est contraire à sa définition de principe telle que je l'ai envisagée tout à l'heure. Et enfin, point important, le seigneur de château l'emporte de plus en plus nettement sur ses vassaux. J'aurais tendance à dire qu'entre le XIe et le XIIIe siècle, la seigneurité se transforme en seigneurie lorsque c'est du dominus sur une minites, et la seigneurie se transforme en souveraineté, en une sorte de souveraineté, lorsque c'est de la gravité sur une épée. Donc, pour conclure, eh bien, je pense que depuis un demi-siècle, on a tout de même fait des observations justes, dans le fond, sur la prolifération croissante des droits et des contrôles seigneuriaux, entre guillemets. On a bien décrit les réajustements de la domination chevaleresque à la fin du XIe siècle. Mais l'on n'a pas démontré que, en valeur relative, la pression de la chevalerie sur la paysannerie était accrue. On a peut-être seulement démontré que la chevalerie avait fait ce qu'il fallait faire pour que sa domination se maintienne. Comme dit Icatopardo, il faut que tout change pour que rien ne change. En tout cas, il faut que quelque chose change pour que la domination sociale et la structure sociale soient le moins possible changées. Par conséquent, je crois qu'on est bien d'accord là-dessus, il y a eu réajustement des modes de domination en France et sans doute dans d'autres pays voisins à la fin du XIe siècle. À ce prix, la domination chevaleresque s'est perpétuée. Mais, dans l'époque précédente, à tout prendre, le concept de seigneurie était plus opératoire qu'il ne le devient pour nous à partir du XIIe siècle. Et donc, si on voulait être cohérent, on s'efforcerait, je pense, pour le XIIe et le XIIIe siècle, de périphraser aussi souvent que possible le mot de seigneurie. Et donc, pour répondre sur l'usage exact du concept, à quelles conditions faut-il utiliser le concept de seigneurie, et dans quel cas, je suggère qu'il faut s'en servir dans le haut Moyen-Âge autant et plus qu'au XIe siècle, il faut faire attention à ne pas garder l'idée du pouvoir déchaîné. Cette idée d'un pouvoir déchaîné et tyrannique est ethnocentrique et provient de la vieille école. Mais qu'en revanche, si l'on veut dire un pouvoir coutumier et un pouvoir dans lequel l'institution tente à se confondre avec le rapport social, alors oui, il faut utiliser le concept de seigneurie, et ce sera le meilleur moyen de contrecarrer cette énorme erreur de jugement qui est faite par les hyperfiscalistes et qui nous bouleverse tous un petit peu ces temps-là. Je vous remercie et excusez-moi. O non accettate secondo il metodo che ciascuno segue, e comunque vanno sempre sottoposte a cautela perché sono un'arma efficacissima distruzione di miti, ma non devono diventare nuovi miti. E in fondo i temi più interessanti che hai trattato è questo. La una parte, la minore importanza o poca importanza che lei attribuisce alla distinzione tra una signoria fondiale e una signoria territoriale, poca importanza che lei attribuisce a un territorio, e al questo nuovo concetto di signorità che io avrei chiarito, non a profondo compreso signorità, contrapposto a quello di signoria. Ci sono alcuni spunti che sono per tutto io credo unanimemente accettabili, di quello di considerare la signoria nel quadro di uno sviluppo economico, non nel quadro come sorgente del quadro del momento di crisi economica. L'idea che costruzione delle signorie non significa necessariamente oppressione, violenze, uno stato di guerra di tutti contro tutti, non significa necessariamente oppressione. Soprattutto l'idea che il dominio della consuetudine non debba significare lo sviluppo dell'anarchia, ma tutto il contrario, è quel contenimento che il potere signorile ha in se stesso. L'ultimo è interessante, la diminuzione dell'importanza di tutto ciò che è giurisdizione a vantaggio di tutto ciò che sono rapporti sociali. Ridurre il rapporto giurisdizionale a un rapporto sociale. Tutto questo, con certi riferimenti che ha fatto a una realtà contemporanea, che potrebbe essere forse rovesciata. Noi oggi, specialmente in Italia, sperimentiamo una situazione del potere giurisdizionale che diventa potere politico futuro, che ha un'importanza di per sé notevolissima. Ora, resta a vedere se questo è nella direzione delle signorie oppure al contrario. Comunque sono punti di enorme importanza che io credo che sarà bene discutere dopo aver discusso la relazione. Adesso il testo ma la ragione della sua estempa non deve essere lasciata. Sì, quindi io risolverei subito quella e poi dopo quella di te. Come prima cosa? Ma poi è ancora quello che andiamo a dire. Chi ne sono adesso? Quanto fa? Ah, vedi che sento. Cioè, lo chiamiamo il professor Stefano. Sì. Prego, perché qua si è discussa insieme con quella del dottor Panico. Allora, facciamo una discussione unica. Queste due relazioni sono fuori dell'asse terreno, nell'asse. la marche de marche à son site. Io vorrei cominciare perché il professor Violante mi ha fatto ieri le domande e posso rispondere le domande, quelle domande che lei ha detto non la devo correggere, io credo che ha capito abbastanza bene quello che è stato il mio intervento. Le domande. Può parlare di là? Sì, bueno, hablo in spagnolo. La prima pregunta, la prima questione, si la divisa se può identificare con sorte masericcia. No conozco bien esto, a mí me da la impresión que no, que es otro concepto. Divisa significaría, entre otras acepciones, la capacidad de apropiación, por ejemplo, de los terrenos de utilización comunal, la posibilidad de rotular en ellos, sobre los comunales, la posibilidad de rotular o de aprovechar, aprovechamiento o la capacidad de generar propiedad en ellos. Es poblar, o populetis y mea divisa. La fórmula adecuada. O sea que divisa es más el concepto, aunque como tal término divisa se podría asimilar a sortes. Sortes no es, creo que en algún documento aparece la palabra sortes, pero normalmente en Castilla, en esta época, el término es divisa, generalizado, o como sinónimos, divisione, raciones, opciones, los términos habituales. La segunda pregunta, si recuerdo bien, era sobre los prebendari, si podían considerarse a los homines de benefactoría en una cierta dependencia directa como prebendari. Aprovecho para decir que benefactoría es el estadio y el estadio previo a la beatría. No es tanto un señorío como la capacidad o la libertad de elegir señor. La mayoría de los testimonios que tenemos son concesiones que realizan los señores, bien sea a campesinos o bien sea a milites. Y muchas de estas concesiones son para que la persona tenga esa capacidad de elegir señor y no hay limitación ninguna, o sea que no son dependientes más allá de lo que significa una protección, dependiendo un reconocimiento de alguien como señor. Eso que únicamente habría esa dependencia personal, pero no sería por lo tanto lo que asimilamos a campesinos dependientes o lo que asimilamos a una dependencia de ese tipo. En todo caso, estarían más próximos de lo que es una dependencia feudal de milites. Por ejemplo, se habla de aforo de préstamo como sinónimo de prestimonium, se utiliza bastante este término, y teniendo este carácter de cierta concesión limitada por el poder superior del señor, pero que puede considerarse en términos generales una concesión en plena propiedad. Lo que ocurre es que poco a poco, y ya en los ejemplos concretos hay muchos casos en que este poder, esta libertad queda limitada, y son a lo mejor personas que pueden elegir señor, pero en el marco de un linaje, o sea, ya están vinculados a una familia noble. A veces también ya queda una vinculación a algún monasterio del cual son patronos los miembros de ese linaje. Por ejemplo, en el propio monasterio de Sahagún, la familia condal de los Alfonso eran patronos en la segunda mitad del siglo XI, y muchos de los ejemplos proceden de ahí, de ahí que lo conozcamos a través de esta documentación. O incluso ya queda establecido en un documento de concesión que pasen esos bienes a Sahagún en la siguiente generación. Aunque es interesante que a veces se establece que el tipo de dependencia no sea tan estricto como el de otros dependientes, fijándose un determinado número de sernas es correas, labores anuales, que es el prototipo, por ejemplo, 12 al año, una mensual, es el prototipo de un tipo de dependencia que es el que se da en los hombres de Betria. Es precisamente la prestación de una serna, de una cornea mensual. Es un prototipo y yo tengo algún ejemplo bastante interesante, varios ejemplos, hay coincidencias que muestran unas determinadas causas. Esto ya sería la evolución que conduce, y eso es lo que explicaba ayer, hacia la ampliación de la dependencia, hacia los hombres de factoría, a la larga convirtiéndose en hombres de Betria. Una tercera pregunta, respondo, las dos formas de poder señorial, un poder señorial distinto del patrón, el patrono, del propietario, que el profesor Violante señalaba como poder externo e interno. Yo no lo definiría tanto como interno o externo, ambos son internos y externos, no hay esa diferencia. Afectan ambos, pueden afectar ambos a la propiedad, por el solar o la propiedad por la heredad. Lo importante es señalar esa diferencia y sobre todo, y esto es importante para lo que se está tratando aquí, por ejemplo, para lo que el propio concepto de Grundherrschaft que veíamos esta mañana en la conferencia del profesor Schreiner, lo importante es que haya varios señores, no solo un señor, sino dos señores o varios señores, y cada uno tiene unos derechos determinados. Esto es lo que hace normalmente necesaria la diferenciación entre un tipo de poder señorial y otro tipo de poder señorial. Aquí, en este tipo de señoríos, muchas veces es señorío laico y señorío eclesiástico. El señorío, ¿de dónde deriva este poder? ¿Es un poder originario? Se podría matizar, yo creo que fundamentalmente es un poder originario. Originariamente es el hombre libre que se encomienda, el hombre libre que busca quien beneficie. Y tiene, por lo tanto, un origen en este tipo, tiene un origen de las propias relaciones sociales y la propia configuración del poder sobre esa base. Romoni, pero hace el poder dar la benefactoría. En teoría esto nos llevaría a una fase más inicial todavía, poco documentada, en la cual hay naturalmente una confusión, el que es beneficiado también puede beneficiar. Lo que ocurre es que ya en el momento que estamos estudiando, los hombres libres, pues sí, son hombres libres, pero ya hay una diferencia social entre los que benefician y los que son beneficiados, inevitablemente. O sea, inevitablemente se ha llegado a esto. Es más, uno se podría preguntar, ¿es necesario, puesto que hombre libre se identificaría con hombre de Betria y con hombre de benefactoría? Nos podemos preguntar, ¿todo hombre tenía que buscar un señor? ¿Tenía que buscar la protección de alguien? Pues no. ¿Hay algún documento que dice que busques la benefactoría, que buscas que tomes señor si quieres? O sea, no hay, curiosamente se especifica de esta manera. Claro, todo esto nos lleva a unas diferencias que, en fin, yo también quería, pero casi lo dejo para la discusión de Barthélemy, quería señalar un ejemplo castellano para una de las cosas que ha señalado, y tiene que ver un poco con esto después. Ya. No, es que, bueno, aprovechar, sí, con esta discusión. No, es, no es tanto una discutir, sino más bien aportar una... Porque es interesante que efectivamente hay que resaltar la importancia de las relaciones de dependencia, rapport y dependencia, hay que destacar, y cómo en estas relaciones de dependencia no solamente nos encontramos con la relación de dependencia del campesino respecto al señor, sino que hay otros tipos de relaciones de dependencia dentro de los propios señores. Entonces, por ejemplo, hay concesiones de principios del siglo XI en Castilla, en León, en que el rey concede a un noble, a un alto noble, una villa, y es una donación, pero aparece la contraprestación en forma de un regalo, es un caballo normalmente, y una ofreción, 300 sueldos, por ejemplo, una ofreción o 500 sueldos, una cifra elevada. Lo que me interesa destacar es in ofreción. Pues bien, de ofreción deriva la palabra infurción va a ser en el siglo XII y en el siglo XIII el tributo característico de la dependencia general de cualquier campesino, la dependencia señorial de cualquier campesino respecto a usted, tanto en la ventría como en el abanico, como en todo señorío. Esto no deja de ver. Y aparece en alguna fuente como el tributo en reconocimiento de señorío, en reconocimiento de señorío, como reconocencia de poderes señoriales al anerquero de Caixa. Y esto, este paralelismo es creo yo, muy, muy interesante, porque podemos concluir, todos son dependientes, hay que distinguir que unos son nobles, otros no, pero hay algo en común, que es lo que resulta más interesante para comprender en qué sociedad nos movemos y cuáles son las relaciones fundamentales en esa sociedad, que son las relaciones de dependencia. Au moment, je vous remercie pour remercier de cette apport. Allora, altre domande alla professoressa? Professor, Sie haben sich besonders befasst mit dem Wandel der Grundherrschaft in Kastilien im 11. und 12. Jahrhundert. Es ist natürlich interessant und entscheidend zu wissen, auf welcher Grundlage sich diese Veränderungen vollziehen, welche Grundherrschaftsverhältnisse vorher waren, kann man in dem Sinne in diesem Gebiet von Kastilien von Grundherrschaftsverhältnissen sprechen, wie sie zum Beispiel im Frankenreich vorhanden waren. Das ist das Interessante hier bei Kastilien. Das ist ein Gebiet, das außerhalb des Frankenreiches, wo wir nicht so klassische Formen von Grundherrschaft vermuten, wie es zum Beispiel in dem burgundischen Raum der Fall ist oder in anderen Gebieten. Nur als Vergleich, es wurde auch darauf hingewiesen, dass in Italien, in den byzantinischen Gebieten ja auch in dem Sinne keine Grundherrschaftsverhältnisse vorhanden sind wie in Norditalien. Insoweit ist das kastilische Beispiel sehr interessant als Vergleich für die Verhältnisse und für den Wandel der Grundherrschaft im 11. und 12. Jahrhundert. Es ist natürlich jetzt schwierig für Sie wahrscheinlich, das alles darzulegen. Das will ich auch nicht verlangen hier, sondern nur kurz Hinweis darauf, kann man in dem Sinne von solchen Grundherrschaftsverhältnissen in Kastilien vor dem 11. Jahrhundert sprechen? Vor dem 11. Jahrhundert, ja. Etwas ist wieder, aber das ist natürlich, hat eine andere Gründe dafür. Ja, man muss in Betracht ziehen, dass die kastilische Wissenschaft ist eine Wissenschaft, die im Grunde genommen ist nach dem 10., 9. und 10. Jahrhundert eingebettet. Also man muss natürlich die, die Verhältnisse der arabischen Eroberung in der iberischen Halbinsel. Es sind auch eine der Kerne im nördlichen Spanien, wo der Widerstand der Araber eingewendet wurde. So, wo entstehen neue Mächte. Und es ist etwas verschieden. Das Problem der Kontinuität seit der späteren Zeit, es ist sehr kompliziert. Im Falle der iberischen Halbinsel überhaupt nicht, die iberische Halbinsel nicht als etwas eine Einheit zu dieser Erforschung haben. Es ist möglich zu sagen, dass die Kontinuität der spirituellen Zeit in der besprochenen Zeit zum Beispiel, es ist also besser und genauer ausgedrückt in anderen, das heißt in moschemischen Spanien vielleicht. Obwohl natürlich gibt es andere Grundlagen für diese Gesellschaft. Aber im Norden, es ist, wo das christliche Spanien entsteht, so die verschiedenen Königreiche, außerhalb des Falles in Kataloniens, das an das karolingische Reich angeschlossen worden ist, seit dem Ende des seit der Zeit. Und es ist in den anderen Ländern, es ist ein anderer Zustand. Und so, man muss sagen, dass diese Verhältnisse in Kastilien beginnen seit dem Ende des 9. Jahrhunderts, Anfang des 10. Jahrhunderts. Und natürlich, es ist unmöglich, von Grundherrschaft vor dem 11. Jahrhundert zu sprechen. Das ist natürlich an der Gründung. Aber im Grunde genommen gibt es auch einen Unterschied so zwischen Lyon. Lyon ist noch entwickelt, es ist mehr im Fortschritt, kann man sagen. Und vielleicht gibt es schon in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts schon Grundherrschaften. In Kastilien im 11. Jahrhundert. Gerichtsbarkeit allerdings war voll und ganz beim Garten hier für das ganze Gebiet. Und ich hätte gerne gewusst, wenn das Prinzip, ob eine solche Grundherrschaftslage, wie sie bei uns im Mittelalter war, irgendwo anders in Europa festzustellen ist oder nicht. Und ich sage jetzt nur das, weil wir ja schließlich noch eigentlich hier im alten Tirol leben und Südtirol, Nordtirol, das Trentino. Übrigens, der Trentino war nicht in dieser Art verwaltet. Aber immerhin, es war also das ganze Tirol und deswegen haben wir gedacht, man könnte vielleicht dieses Thema ganz kurz anschneiden, wenn mir jemand darauf antworten kann. Danke. Ho una domanda a porre a Carlo Sestetto e anche una domanda a porre a Antonio Pazzelini, forse è meglio di mandare la seconda, ma comunque per Carlo. Hai parlato di benefattori vetri questo concetto mi ha sempre interessato perché anche se ha dei confronti con altre zone non ci sono così tanti confronti con altre zone, soprattutto quest'idea di una Siria a più livelli. Questo fatto che Saogun esso stesso il Signore può concedere ai contadini di scegliere altri signori. E a quel momento mi rendo conto di non capire interamente cosa vuol dire questo nella pratica. Quando una concessione di questo tipo avviene, che tipo di diritti vengono concessi, come vengono divisi i diritti dentro una determinata zona, che tipo di diritto va con quale signore e su chi. Ecco. Sì. E questo hai da plantearlo para, más que para la época della benefactoria, para la vetria, perché la benefactoria lo único que nos consta en muchos casos es el reconocimiento de alguien como señor, no nos consta ningún tipo de prestaciones. Aunque se puede. Disculpe que te interrumpa, vuol dire tu sei il signore e poi torno a casa. Bueno, una cosa es lo que vamos a ir por partes. Lo que conocemos es ese someterse a la protección de alguien. Podemos suponer que haya algún tipo de contraprestaciones, pero no conocemos de manera tangible que haya unas prestaciones de trabajo, que haya la satisfacción de unos censos, esto no lo conocemos. Aunque hay ciertos datos, cuando se trata de periodo inicial, el periodo de la benefactoría, yo sería partidario de asimilar esto a la realidad de los límites. Y por lo tanto entraríamos más bien en un tipo de dependencia pseudo-vasallática. Y entonces son los límites sometidos a que tienen un foro de préstamo y esto naturalmente comporta unas obligaciones de prestaciones militares, por ejemplo. Es bastante significativo que en el periodo de la benefactoría uno de los principales testimonios sea el fuero de León de 1017. Y en el fuero de León, y esto es una cosa importante que no se ha tenido en cuenta, el hombre de benefactoría aparece mencionado en la siguiente secuencia. Perdón, no sé el texto de memoria, pero si quis nobilis de aliquis de benefactoria, si aparece nobilis homo de benefactoria, hay una, es como un apéndice del noble, no hay una contraposición. Esto no deja de ser interesante. Y hay otros ejemplos, incluso del siglo XII, que hablan de miles sometido a señor en una relación, señor que beneficie, es esta misma frase. Periodo posterior, a partir de la configuración de la abetría, lo que ocurre, por ejemplo, en el siglo tenemos constatado en el XIII, en algunos casos, una villa es de abetría señorialmente. Sin embargo, la propiedad es de los monasterios. ¿Qué es lo que ocurre? Pues sí conocemos casos en que hay la satisfacción de rentas por la tierra y hay algunos cueros que nos lo reflejan, algunas rentas y jornadas de trabajo, rentas en especie, normalmente a los propietarios, a los señores dominicales, y la satisfacción de la infunción, como reconocimiento de señorío a el señor. Esto tiene un contenido más, más formal, más simbólico que económico. No quiero decir que no tenga importancia también la extracción, pero lo que parece más importante es reflejar el carácter de ejercicio del poder señorial. En la abetría, a su vez, hay, para marcar los dos niveles, existía la satisfacción de lo que se llama divisa. Divisa aquí tiene otra acepción. Es el pago de una cantidad por todo el conjunto de la villa de abetría. Pagan una cantidad a todos los que son diviseros. Esta es la otra carga. Además, hay también transferencia de tributos procedentes de la fiscalidad regia. Y aquí hay variantes en unos y otros casos. Muchos tributos como yantares, tributo de hospedaje, tributo de yantar, sería como la cena, tributo de la martiniera, un tributo que se satisfacía por San Martín, 11 de noviembre. Todo esto se relacionan con el rey, pero van derivados hacia los señores en muchos casos, semejante al caso de otros señoríos. Monsieur Barthélémy, voilà, et maintenant, simple, Monsieur Estepa, j'ai une question à Monsieur Barthélémy, c'est ça? Sie haben darauf hingewiesen, dass unsere Vorstellung, unsere negativ besetzte Vorstellung von der Seigneurie, sehr stark von dem Eindruck her kommt, dass da, wo kein Staat reguliert, eben sich die reine Willkür ausbreitet. Das ist aber sehr wohl in akephalen oder staatfreien Gesellschaften die Ordnungszwänge gibt, die einer reinen Willkür entgegenwirken. Dass es zwar ein wenig Affektkontrolle gibt, aber dafür eben Ordnungszwänge, die sehr wohl die Grundherren halten und eingrenzen in dem, was man tut und was man nicht tut. Kann man das nicht auch auf andere Bereiche, oder muss man das nicht auch auf andere Bereiche des mittelalterlichen Lebens ausdehnen? Ist nicht auch unsere Vorstellung vom Eigenkirchenwesen, was ja mit der Grundherrschaft zusammenhängt, sehr stark davon bestimmt, dass Kirche eben eine Sache von Klerikern sein muss und dann, wenn sie Eigenkirche grundherrschaftlich gebunden eigentlich ist, ist nur zur Ausplünderung, zur Beeinträchtigung des kirchlichen Lebens kommen muss. Ich würde wirklich sagen, dass diese Ordnungszwänge, die sie im wirtschaftlichen und allgemein im sozialen Bereich hervorgehoben haben, eben auch grundherrschaftlich bestimmte Kirche, das heißt für das Eigenkirchenwesen gelten müssen. Diese andere Bewertung sozusagen, unsere Einschätzung dieser Institution. Aber, je vais faire un petit résumé en français, si vous permettez. Alors, bon, italien. Alors, je vous demande si l'évaluation que vous avez faite à cause de la seigneurie, que ce n'était pas la domination pure, le règne de force pure, que ça doit être appliqué également à l'église, à l'église de la seigneurie, alors des Eigenkirche, que notre notion de l'église d'une objet de Ausbeutung par les laïcs, c'est vraiment alors l'idée de notre notion de l'état de l'église de la nouvelle foulée. Voyez-vous, ce sujet, c'est de changer notre perception d'un règne de coutume, de ordre suprême dans la matière de l'économie également pour l'Église. C'est une question. C'est une question. Merci de cette question et suggestion et de l'avoir redite en français. Oui, je suis d'autant plus d'accord que j'attire l'attention dans le tome 3 des origines de l'ancienne France de Flash, il y a effectivement une manière d'envisager la question du droit personnel et du droit réel qui m'a paru intéressante. Hein. Je me permets de travailler avec cet auteur de 1904. Ça n'est pas de l'Église qui parle, mais du fond de la manière dont on tape le commerce. Et il propose en latin de faire une distinction entre le jus propter rem plutôt que le jus in re. C'est-à-dire que si j'ai appliqué ces suggestions de Flage, qui m'a été transmise par Georges Duby, je pense qu'il ne faudrait pas dire spécifiquement que les chevaliers et les nobles ont la propriété de l'Église privée, mais que, comme pour toute autre sorte de bien, comme pour les routes, comme pour les forêts, eh bien, ils en donnent l'usage, ils en défèrent l'usage aux paroissiens, enfin aux gens qui sont définis comme paroissiens. Donc je pense que même dans ce domaine, on pourrait peut-être réfléchir donc, sur ces suggestions de flash. Je sens celle du tome 3, les origines anciennes. Tanto per avevo già segnalato che facessi un'altra domanda a questo partito. Voglio dire che mi ha chiamato come uno che sarebbe dalla sua parte durante la sua lezione. Invece direi che mi trovo nel mezzo del guado. Direi di sì a tante cose, proprio come ha detto il Violante, ci sono tante cose. C'è una futilità di parlare di diminuzione quando esattamente la stessa classe dirigente rimane in terra. C'è la mancanza di quella velocità che è stata presa come simbolo da persone come Polico Mazzelli. C'è l'esistenza già nel periodo carolingio di poteri arbitrari, già basta pensare alla vita di Geraldo di Aurillac. C'è la bisogno di guardare dentro le signorie, cosa che la gente già non è stata. fa. E poi cioè, c'è la relatività degli allori, e qui penso forse soprattutto dell'intera romana, che funziona molto, molto bene senza nessunissima idea di allorialità. E poi il fatto che anche questo potere arbitrario ha delle regole, anche se qui forse ci sono delle cose da dire, tipo l'antropologia, ma io sono sicuramente il fautore dell'antropologia, l'utilizzo, ma l'antropologia studia normalmente le società relativamente ugualitarie, non deve avere a che fare con signori come Robert de Belen, che sicuramente non entra nel quadro dei signori polari che ha delineato. Poi basta dire che anche nelle zone, fra virgolette, antropologiche, c'è anche delle volte il caos, basta pensare a Ruanda. E poi posso anche dire che ho l'intenzione di parlare in termini simili alle sue quando parlo della Toscana. Però c'è un ma. E qui voglio citare in merito Carlos Estepa, che ci presenta, almeno per quanto riguarda me, un classico controesempio. Qui è chiaro che la signoria non è il potere fondiario, non è il potere dei signori sui loro dipendenti, ma non è nemmeno il potere tradizionale dei re. E si potrebbe dire, non voglio travisare il pensiero, ma quando la benefattoria cambia in beatria, c'è un cambiamento. C'è un cambiamento fra, si potrebbe quasi dire, fra illegale e legale. Cioè, quando i carolingi dicono questo va male, tutti hanno un concetto di come può andare bene, cioè il diritto regio va rispettato, loro signori non lo fanno. Che invece, diciamo verso 1100, questa regolamentazione dei signori è già la regola. Non c'è un'alternativa salvo forse la moralità di Dio. E poi non voglio insistere troppo sull'illegalità e la legalità, soprattutto io direi che c'è una differenza forte fra un potere informale, che è quello di un signore carolingio, e un potere formalizzato, che è il potere di un signore del XII secolo. E qui c'è una differenza che bisogna riconoscere, secondo me. L'altra cosa, non voglio insistere così tanto su questo, ci sono sicuramente zone in cui i contadini vengono più assoggettati, se non ho preso male la parola italiana, non mi ricordo. Ad esempio anche qui la Castiglia forse presenta un esempio, e direi anche la Catalogna, che si potrebbe almeno dire verso l'anno 900 in Catalogna ci sono contadini proprietari, che invece verso il 1200 non ce ne sono. C'è qui un cambiamento che, anche se più lento che non abbia pensato Bonassì, è comunque serio per un contadino proprietario. E qui non voglio dire è così nelle zone iberiche, allora non può essere, come ha detto lei, nel paese, cioè dentro le zone della Francia centrale. Si possono facilmente essere moltissime differenze locali attraverso l'Europa, ma c'è un rischio nella maniera in cui ha messo lei in evidenza la problematica. C'è un rischio di appiattire troppo una serie di cambiamenti, anche reagendo giustamente contro una tesi troppo formalistica che è quella della rivoluzione feudale. Ecco, basta. E scusate la lunghezza. Merci. Oui, donc merci de cette intervention. Il est évident que j'accepte tout à fait ces remarques et la, en particulier la critique finale et la critique initiale. Bien entendu, dans la manière dont je sais un petit peu de mettre de la contiguïté, on peut dire contiguïté, entre le XIe siècle et l'époque précédente, il y a un risque d'aplatir le changement social. Il y a un risque d'aplatissement, c'est vrai. Là, je me suis trouvé contraint, enfin, désireux de réagir contre ce qui est, je crois, vraiment une exagération du changement. Et en revanche, oui, et je serais même prêt sur certains points précis. D'intervention antérieure, de faire mon autocritique. Cela dit, ce qui doit être le départ, à mon avis, de notre perspective, c'est qu'il y a eu du changement et il y a eu de la discontinuité entre le 9e et le 11e siècle que nous pouvons observer, mais d'une part, cette discontinuité est exagérée par la théorie de la révolution féodale, et d'autre part, de toute façon, elle ne rend pas bien compte de la différence entre le 9e et le 11e siècle. Il nous faut donc repartir sur l'idée que la différence existe, mais qu'elle n'est pas bien aperçue. Et moi qui me suis appliqué à faire un petit peu à combattre une notion de discontinuité trop radicale, eh bien, oui, c'est vrai, je manque un petit peu de concentration, de capacité d'observation et pour bien refaire la distinction. Et cela montre bien, je pense, notre métier est de distinguer, de trouver des intrigues dans lesquelles nous mettons des siècles, des périodes différentes en contraste les unes avec les autres. Et on peut facilement être piégé lorsqu'on a entrepris de combattre une théorie de la discontinuité. Hein, c'est une remarque générale. Et alors, deuxième chose également, j'ai bien entendu ce que le professeur Violante a dit, il y a le risque, en effet, de créer de nouveaux mythes. On détruit des mythes et on en crée de nouveaux. Il est évident que la société médiévale n'est pas une société sans État. Il a paru absolument antithétique de l'État. Il y a de l'étaticité. Es gibt eine Gestattigkeit im neunten, zehnten, zwölften, elften Jahrhundert. Mais je ne sais pas s'il faut dire que c'est une société post-étatique, parce qu'à vrai dire, je ne sais pas non plus ce que c'était que le Rome. Et il me paraît, je suis désolé de dire en Italie, mais je n'ai jamais trouvé d'explication de ce que c'était que l'Empire romain, sociologiquement, anthropologiquement. Je ne comprends pas. On n'arrive pas à saisir. Donc c'est un peu difficile de dire en quoi le passé romain a marqué exactement le haut Moyen-Âge, ce que finalement on peine à définir pour nous. Nous venons là après un système de droit savant et d'État assez fort, mais nous discernons que cet État romain avait sûrement beaucoup plus de limites que l'État moderne. Que notre souveraineté, ce n'est pas le retour à la souveraineté des Romains, c'est autre chose. Nous avons bricolé le droit romain, nous n'avons jamais retrouvé Rome. Alors, j'allais dire, je lance un appel. On clarifie aussi ce que se peut être que cet héritage d'une certaine idée, oui, de la République, d'un certain nombre de pratiques judiciaires qui sont romano-barbares, car je les comprends mal. Allez. Je vous posso sapere per la parte storiografica che ha ricevuto il suo intervento, che ci fa conoscere un interessantissimo spiegato della filosofia francese. Per quanto riguarda gli ultimi punti della sua relazione, quello che il professore sottolineava in rapporto al discorso delle consuetudines, al rapporto della dipendenza, al rapporto della sussidiarietà, al rapporto della dialogicità, vorrei sollevare alcune questioni. Certamente come Lombardo il problema del consuetudines, avendo studiato Berto Bellotto sui tempi, sono perfettamente d'accordo che le consuetudini sono un fatto positivo, le consuetudini fondano, secondo Berto Bellotto, la realtà della vita comunale. Se non ci fossero le consuetudini non esisterebbe il comune, secondo Berto Bellotto, quindi siamo perfettamente d'accordo che le consuetudini certamente. E questo indubbiamente è un fatto fortemente positivo e da questo punto di vista sono perfettamente d'accordo con quanto lei dice. Anche in rapporto alla dipendenza, che la dipendenza sia necessaria per la vita degli uomini è fondamentale. Forse solo i rivoluzionari francesi del terrore potevano pensare, o anche appena prima, che potesse esistere un uomo senza alcun legame di dipendenza. La libertà è la libertà di realizzare qualcosa insieme agli altri e non è una libertà da tutte le, da tutti i legami e da tutte le realtà di dipendenza. Insomma, qualsiasi punto di vista è un fatto fortemente positivo. Sono anche d'accordo su quanto lei diceva sulla sussidiarietà, avrei dei problemi sulla violenza. Soprattutto per quell'undicesimo secolo e nella seconda metà dell'undicesimo secolo sul quale la sua relazione in fondo ha in larga misura battuto. È vero, vi è autolimitazione della violenza del signore nei rapporti con i propri rustici. Però teniamo conto, e lei citava ad esempio Manu Mortier, Bonassi, no, della Francia meridionale, di che cosa sia la Francia meridionale. Io mi rivolgo un po' alla situazione anche della Lombardia. Vi sono fortissimi scontri tra personaggi che detengono in qualche modo il potere. È vero che non sono solo di quell'epoca, sono anche precedenti. Recentemente, leggendo La vita di Maiolo di Ionia Bra, mi sono accorto che in fondo Maiolo finisce in Borgogna perché lo hanno cacciato violentemente dalla Provenza dove i suoi familiari c'erano. Quindi lo scontro non è tanto fra il dominus e i suoi sottoposti. È chiaro che se io voglio che i sottoposti producano, devo trovare una soluzione di equilibrio nei confronti dei sottoposti. Il problema è nei confronti dei dipendenti degli altri domini verso i quali io tento di espandermi. Faccio un riferimento. Una delle vite degli abati di Cluny, in questo momento mi sfugge se è Ugo o se è Pietro il Venerabile, quando lui racconta prima di diventare monaco, suo padre lo portava in certi attacchi violentissimi ai villaggi e ai servi dei signori vicini, dove i personaggi che attaccavano, suo padre compreso, lui era forse un ragazzino di 5-6 anni, si divertivano a tagliare i garretti dei servi altrui. Questo significa sostanzialmente eliminare la forza lavorativa dei servi altrui. Non so se mi spiego. Qual è la realtà di questa violenza? Non perché tanto l'uomo sia violento in sé, perché è violento, ma è perché sostanzialmente il fatto compiuto, l'esercizio di certe forme di sopraffazione nei confronti dei rustici altrui, crea un diritto. Per questo a un certo punto non basta affermare che si fa così e così avviene, ma la consuetudine deve essere anche buona ed approvata. Questa è una norma. Quindi l'esercizio della violenza nei confronti degli altri può creare una sorta di diritti sulle terre altrui, sui contadini altrui, sulle persone altrui. Per l'Italia settentrionale potrei farle parecchi altri esempi, ho tentato di fare degli esempi francesi sui quali potessimo essere d'accordo. Quindi la violenza è un fatto che esiste, Ecco, da questo punto di vista, e basterebbe pensare alla necessità delle paci di Dio e delle continue paci di Dio che nella seconda metà dell'undicesimo secolo vengono costantemente celebrate, per rendersi conto che, insomma, la violenza esiste in maniera molto forte e che il Signore non si autolimita nei confronti dei propri uomini, ma nei confronti degli uomini altrui, per crearsi un diritto, lo fa con una facilità estrema. Le chiedo scusa per la lunghezza dell'intervento, ma è interessante. Oui, donc là, je vous remercie de cette intervention. Bien sûr, oui, la liberté rousseauiste n'est pas ce par rapport à quoi il faut estimer le servage médiéval, de la dépendance. Bon, sur le problème de la violence, je dois dire, bien entendu, c'est délicat parce qu'on est là, en historien, et on voit dans des vies de saints, dans les miracles de Sainte-Foy de Conques, dans des chroniques, dans des notices, des actes de violence. Et bien sûr, nous savons que les choses peuvent être rationalisées, relativisées, mais jusqu'à un certain point seulement. Et cela nous pose un problème, parce que c'est vrai, jusqu'à présent, la majorité d'entre nous sont réputés et sont vraiment des humanistes, et là nous nourrissons un petit peu, c'est vrai, du sang des hommes du Moyen-Âge. Seulement, quand même, l'idée que la violence puisse s'auto-limiter, ou ne pas avoir les conséquences catastrophiques que nous prêtent un petit peu les tenants de la révolution féodale, je crois qu'elle trouve une série de fondements concrets. D'abord, c'est que il me semble que beaucoup de groupements sociaux, qui ne sont pas des groupements permanents, mais des groupements univoques, sont constitués pour avoir des conflits. Des conflits qui les définissent par rapport à d'autres groupes, c'est ce qu'on appellera des groupes vindicatoires, notamment les groupes lignagés constitués par des membres de lignage, ou bien les baronnages châtelains. Alors les uns avec les autres, les lignages ou les baronnages châtelains ont ce que je crois qu'on appellera une relation d'adversité, qui en réalité est une relation d'alternance entre des périodes d'affrontement et des périodes de paix. Si je prends l'exemple d'un baronnage châtelain dans la zone qui est soumise à son influence, et là, il a droit à se faire aider pour ses guerres des habitants qui dépendent de lui, mais dans certaines limites. Plus la guerre est au centre de la châtellerie, plus la guerre est proche du pôle d'influence du groupe chevaleresque, et plus le devoir d'aide militaire ou paramilitaire des paysans est fort. Donc on fait une espèce de flexible response à l'attaque du groupe adverse. Et donc, dans ces conditions, l'accumulation de moyens militaires pour porter la guerre chez l'adversaire est relativement difficile. Et d'autre part, la violence entre les groupes chevaleresques, lignagés ou baroniaux, a tendance, dès lors qu'elle s'étend, à se diluer. Car en effet, quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit que d'abord, tous les hommes de la chevalerie ont des relations de parenté entre eux. Il y a un certain nombre d'hommes dans la société qui sont parents des deux groupes adverses à la fois. Il y a aussi un nombre très important de chevaliers qui sont chevaliers dans plusieurs châteaux à la fois. C'est ce que j'appelle, alors on le voit très bien, on va le voir en Touraine, ça a été aperçu aussi par Stephen White en Touraine, on voit que des hommes, des chevaliers de château, qui sont appelés nobiles castris d'ailleurs, ont un pied dans plusieurs petits châteaux. Donc les guerres contre baronnage placent un certain nombre d'hommes dans une situation, on dirait en France, une situation cornélienne, ils ont des intérêts des deux côtés. On leur demande leur aide, ils disent « Bon, d'accord, je viens. » Eux, ils ne m'attaquent pas, ils disent « Vous croyez vraiment qu'il faut attaquer l'adversaire? Est-ce qu'on ne serait pas mieux de faire la paix ?» Je pense que donc très vite, un certain nombre d'hommes sollicité pour participer à l'action militaire du couple Lignagé ou Barria deviennent en réalité des médiateurs. Alors bien entendu, cela n'exclut pas une série de dérapages. Dernière remarque, je pense qu'en réalité, contrairement à ce que voudrait faire croire l'idéologie des Ordines, et là aussi il y a un texte extraordinaire du Guy Lapsus, c'est dans les trois ordres de l'imaginaire du psychanalyste, dans sa manière d'utiliser Galbert de Bruges. Il montre qu'il y a l'idéologie des Ordines et elle fait croire donc que les seuls à défendre le pays et à se battre sont les chevaliers. Mais en réalité, les paysans et les bourgeois ont des armes aussi, ont une certaine capacité de résistance militaire, et par conséquent, je crois vraiment que dans le rapport de force, les chevaliers hésitent à s'aventurer dans les villages. En Picardie, en 1130, il y a un texte qui dit ce chevalier n'a pas osé entrer dans le village de peur des roustiques qui étaient là. Alors d'autre part, cette force militaire paysanne, au XIe siècle, elle apparaît quand même dans plusieurs épisodes réputés être des dérapages de la paix de Dieu, qui heureusement, entre guillemets, se termine bien, tout rentre dans l'ordre. Mais les milices de paix du diocèse de Bourges et du diocèse du Mans, à un moment, sont constituées et sont utilisées dans les guerres entre des évêques et des seigneurs d'autres villages. Et c'est un peu tout de même d'y faire carte verte. On voit des paysans armés. Alors, les chroniqueurs décrivent ça avec ironie, avec amusement. À la fin, l'armée paysanne, ou du moins composée de quelques chevaliers et de beaucoup de paysans, est mise en déroute. Ouf, l'apparence est sauve. Mais j'interprète donc, je propose en tout cas d'interpréter plusieurs épisodes de l'histoire du XIe siècle comme signifiant que la paysannerie dispose en eux. Alors, Alessandro Barbero a bien